manger, pour le faire la vie changer. L'esprit pour le verser, comme tout demander, de contrôler. Papa me sentit manger, et c'est mes têtes sous bon chemin. Pas quitter ma chez des PC, pour être lié, son vieux passager. Pour le sang, il y a un manger, et moi, bam, j'aime oublier. Pas quitter ma chez des PC, pour un rêve moins pour vous réaliser. Et moi, il y a un manger, et moi, bam, j'aime oublier. Depuis c'est mal, ça va, des amours, il y a un bien. Depuis c'est mal, ça va, pour y embrasser mon bonheur. Depuis c'est mal, ça va, des amours yo fait plus bien. Depuis c'est mal, ça va, quand on moins sous l'eau, mauvais vent finement engagé. Malédiction à gauche, diction à droite, le verbe j'arrive. Bam bam senti manger, et c'est mes thèmes sous mon chemin. Pas quitter ma chez des baissés, pendant rêve moins pour vous réaliser. Mon yo s'est passé, que moi pas j'en vive. Si ça veut, garde son jacobé. Madame Christmas, où est-ce? Et puis c'est mal, ça va, des amours yo fait bien. Depuis c'est mal, ça va, mais aïe aïe aïe, vous y'en crasez mon nez. Depuis c'est mal, ça va, des amours y'en fait plus bien tendre. Depuis c'est mal, ça va. Alors j'ai bi, puis j'ai dit à un moment. Oui, mais qu'on parle. Oh, Jean Barassa. Ou vin pou kan glas. Oui. sex. Just yes, yeah. Thank you.